Voilà donc première journée du Anthem of Steel version 2024. Et avant de dérouler le line-up du samedi, on peut parler du festival en lui-même en termes d'accueil, de qualité d'accueil déjà. Ouais, complètement. Bah déjà, c'est un festival qui se veut assez simple dans son organisation. Il y a pas, tu te sens accueilli à la tranquille globalement. Ça reste très très posé. L'espace, il y a un bel espace vert en fait à l'extérieur. Du coup, avec pas mal de chaises et de tables pour se poser. C'est assez confortable. Ils ont agrandi le site cette année sur toute la zone bouffe. On y reviendra là-dessus. Avec une petite zone exposant qui est pas mal du tout, qui est spacieuse en tout cas. Avec quelques labels un peu coolos à aller diguer. Qui plie 2 heures avant la fin des concerts. Voilà. On sent qu'il y en a qui n'ont pas eu leur vinyle en fin de festival, qui sont un peu fâchés. Oui. Mais globalement, ouais, c'est un festival en fait qui est tranquille, ne serait-ce que par le rythme, parce qu'on est sur des groupes qui jouent avec des interplateaux d'une bonne demi-heure, d'une demi-heure minimum, parfois un peu trop long même, hein, parce que bon, on reviendra dessus, mais en fin de journée, on avait à la base 1h15 d'interplateaux entre les deux derniers groupes. Ça, c'est un peu long, surtout sur la fin de festival, mais globalement, ouais, c'est un festival sur un rythme très tranquille à tous les niveaux. Ça finit à minuit déjà, ouais. C'est pas mal. Sans pour autant que les gens soient foutus dehors. Et c'est confort. Effectivement, les interplateaux permettent d'aller consommer. Et du coup, l'occasion de parler du bar, de la bouffe et des tarifs en général. Bah, tout est complètement acceptable. Hein. Les bières sont à des prix complètement corrects, avec des petites bières de brasserie très sympas. J'ai pu toutes les goûter. Elles étaient vraiment toutes sympas. Et qu'est-ce qu'on a de particulier au niveau de la nourriture cette année? Du coup, ils ont fait le choix de passer par des prestataires externes. C'est vrai que jusqu'à l'année dernière encore, c'était l'orga du fest qui gérait la partie bouffe du public. Et pour la première fois cette année, ils ont fait appel à des food trucks. Et c'est pas genre juste un food truck qui a zéro concurrence ou qui va servir des trucs plus que moyens, se faire déborder dès qu'il y a un rush. C'est 3 food trucks qui étaient plaisants. On avait la bouffe asiate, on avait un truc burger et un camion pizza. Ouais, ah ouais, donc vraiment, vraiment cool à ce niveau-là. Et puis, bah, pour revenir au niveau des temps d'attente, il n'y a rien, nulle part. Hein. Peut-être au niveau des toilettes filles, parce que je pense que c'est toujours un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Je ne m'y suis pas rendu, donc je ne saurais pas dire. Non, mais je pense qu'il y a toujours une file d'attente. On voyait toujours une file d'attente devant les toilettes, donc j'imagine que c'est toujours à cet endroit-là. Mais sinon, à part la sortie de la salle qui n'a qu'une seule porte et où on passe horriblement 2 minutes à essayer de sortir de la salle, c'est-à-dire ça ne va pas plus loin que ça. Et bah, parlons de la salle, les conditions sont vraiment, vraiment propres. Au niveau du son, on a eu globalement un son très percutant. On a eu une batterie qui a été très forte, ouais, tout le festival. Un peu fort par moment. Un peu surmixée, très présente. Ouais. Ouais, très présente, mais qui n'a pas gâché la qualité globale de l'écoute. Hein. Elle cognait. En fait, le truc, c'est que ça n'empêchait pas d'entendre les autres instruments spécialement. C'est juste qu'elle cognait vraiment au niveau de la tête. Et franchement, il fallait avoir des bouchons pour pouvoir apprécier correctement tous les concerts. Ouais, puis un jeu de lumière quand même assez riche. Ouais, qui avait le mérite de ne pas être en pleine tronche des festivaliers comme l'année dernière. Voilà, je pense que là-dessus, le staff a pris bien note des sollicitations de l'année dernière. Et au niveau de l'accueil du public, bah, première fois, pareil, devant la scène, des crash barrières. Ça, c'est la demande de destruction, bien évidemment. Mais voilà, du monde en plus, ouais, présent, ouais, rapidement. Ouais, la salle remplie, bah, on en a parlé, la salle remplie à tous les concerts. Il y avait du monde à tous les concerts, même en début de journée, c'était plus éparse, mais il y avait quand même du monde devant la scène. Il devait y avoir au moins 200 personnes, je pense, qui étaient tassées devant la scène sur les premiers groupes. Et comme on disait, par contre, c'est vrai qu'il y a toujours cet effet bâtard de ces festivals avec un extérieur et le festival indoor, vraiment les groupes qui jouent indoor, où tu as le groupe qui commence à jouer et tu as 50 personnes et tout le monde réplique en entendant les premiers morceaux. Ça pourrait mériter peut-être une petite annonce de ça commence dans 2 minutes. D'ailleurs, à signaler qu'il n'y a eu aucun retard. Ouais, vendredi, 10-15 minutes de retard qui ont été récupérés, ouais, très très vite, voilà. Avec du coup Dunwich Ritual qui a joué moins longtemps que prévu. Mais ça, c'était leur propre rythme. Donc après, nickel. Et même le samedi qui a fini en avance. Mais on va peut-être commencer par le début du samedi. Avec en ouverture Infamie. Bah, on était présents de nouveau à l'ouverture, hein, comme le vendredi. Groupe lillois qui nous fait un espèce de black trash. J'avoue que je ne sais pas trop en termes d'influence. Il y avait des passages un peu doom, des éléments plus punk. une recette peut-être qui se cherche encore. C'était tout à fait écoutable, hein, pas forcément mauvais, mais pas très marquant comme, comme groupe. C'était un groupe correct pour ouvrir le festival, je trouve. Pour finir de réveiller. Ouais, voilà. Après, je pense que ça ne passera pas dans ma discographie de tous les jours, mais plus que correct quand même, ce qu'ils ont proposé, c'était plus que correct pour ouvrir la journée. On est ensuite monté en puissance avec un groupe de death metal suédois, pardon, bordelais. Ouais. Iron Flesh, qui nous fait du pur HM2 Worship. Hein, c'est, ils l'assument. C'était marqué dessus, ce qui effectivement, on arrive, petit décorum sur scène avec des pierres tombales écrites en gros dessus HM2 avec des bandes de LED. Et c'est, oui, voilà, la couleur était annoncée d'entrée de jeu. Et, un concert de Iron Flesh vraiment coolos. Exactement. On a ensuite eu une pause. On a zappé Mobutu. Histoire d'aller se balader dans Chauvigny, qui au passage est une cité médiévale Poitou-Charentes. Et voilà, on est allé faire le tour de la citadelle. En plus, il faisait un temps magnifique ce week-end. On est au passage passé juste devant l'hôtel dans lequel Destruction était accueilli au moment où les Destructions venaient d'arriver sur Chauvigny. Donc voilà, c'est vrai qu'on a parlé du festival en lui-même. Mais en fait, il y a un énorme parking à 150 mètres de l'entrée du fest où il y a possibilité d'aller se poser entre deux concerts tranquillou pour se mettre dans une chaise à l'ombre, par exemple, si tous les espaces ombragés sont pris à l'extérieur, ou de rester soufflé quand il y a un groupe qu'on n'a pas envie de voir, ou d'aller se balader, parce qu'il y a tout le cœur historique qui est à 3 minutes et demie à pied. On est ensuite revenu pour Destruct, groupe de heavy speed de l'Est de la France, également mené par une chanteuse. C'est vrai qu'on a eu quand même trois groupes avec une chanteuse, ce qui est plutôt pas mal dans un festival comme ça. Alors Destruct, c'était vraiment pas mal, globalement, musicalement, vocalement. Il a peut-être manqué un petit quelque chose de la cohésion sur scène et peut-être un peu de variété musicalement. C'est vrai que ça avait tendance à un petit peu être trop speed et ça manquait un peu de respiration, je dirais. Alors moi, j'ai à peu près les mêmes reproches, très gros guillemets, qu'avec Dunwich Ritual la veille. Très jeune formation, peu d'expérience scénique. En plus, comme annoncé par le groupe au milieu du concert, il venait de recruter un guitariste quelques semaines plus tôt qui a dû apprendre le set au pied levé. Et c'est pas rien, je pense, d'apprendre les morceaux de Destruct. Un batteur hyper visuel, cependant, très à l'aise. Et pareil, une chanteuse un peu hésitante dans ses intentions, mais excellente maîtrise vocale. On a ensuite eu Skinflint, ce qui était quand même la curiosité de ce festival. Exactement. Un des groupes les plus attendus, hein, vu l'affluence qu'il y avait ouais, dans la salle pendant leur set. Groupe qui nous vient du Botswana et qui nous fait, je dirais, du métal. Ouais, c'est peut-être justement ce que je vais leur reprocher, moi, dans ce qu'ils ont proposé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où ils vont musicalement et ça peinait à avoir de la cohérence, on va dire, dans le set. On avait vraiment des influences qui venaient de partout dans le métal. Un coup, c'était trashouille, un coup, ça allait sur du death, un coup, on avait du heavy. À un moment, doom, en plein milieu du morceau, on ne comprenait pas trop d'où ça venait. Enfin, ça tapait un petit peu partout et peut-être pas trop de façon cohérente, ou en tout cas, nous, dans la cohérence qu'on en attend, parce que peut-être que là, il y a un écart culturel qu'on... Bonsoir, non ! Qu'on n'a pas. Ce que j'ai retenu. Voilà. par contre, une attitude scénique vraiment solide. Les gars, ils tiennent la scène de ouf. Mais beaucoup d'expérience. Ils ont déjà sorti 7 albums. Ils doivent exister depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, ça s'est ressenti un groupe, seulement un trio, mais qui a une très bonne maîtrise de la scène. Ouais, je dirais que c'est un groupe qui a peiné à me convaincre personnellement. Mais allez les voir, allez vous faire un avis sur le groupe, parce que je pense qu'il y a des gens qui y trouveront leur compte. Ne serait-ce que pour la sincérité qui se dégage du groupe. Et le plaisir d'être sur scène. Ouais, voilà. Tout simplement. Donc, prenez le temps d'aller les voir. Moi, ça ne m'a pas convaincu personnellement. Mais allez voir, ça, je pense que ça vaut le coup de se faire un avis. Et puis ensuite, en sous-tête d'affiche, un autre groupe lillois, Skeletal. Alors là, bah, ce n'était pas du tout volé hein, comme sous-tête d'affiche. Ils ont une dizaine d'années d'existence, mais c'est quand même des patrons sur scène. C'est old school, mais extrêmement bien exécuté. Ils nous ont joué au moins deux morceaux d'un futur album qui s'annonce très prometteur. Ouais. Bah, les deux plus grosses poutres du concert, hein, ça a été les deux futurs morceaux. Parce que, voilà, on est sur du death un peu scandinave, un peu pato, un peu gras, parfois même de la scène plutôt américaine. Et là, par contre, ils ont balancé deux ogives ultra puissantes et rapides. Enfin, bah, d'accord, ok, ils font aussi ça. C'était très très chouette, Skeletal. Ouais, puis enfin, ces guitares qui sont complètement abrutissante tellement ça va vite des fois. Il y a une toujours pareil, moi j'ai de la richesse dans la composition, dans le travail global. T'as pas un morceau qui ressemble, enfin vraiment individuellement des fois le death c'est un espèce de monolithe que tu prends, mais là chaque morceau, chaque passage, t'avais quelque chose à écouter, quelque chose à aller chercher, et malgré tout ça reste un style qui est ultra bourrin. On arrive à trouver vraiment de la diversité dans ce qu'il propose et comment dire, à en prendre sacrément plein la gueule pendant tous les morceaux, ne serait-ce qu'en termes de technicité de la guitare qui est ultra véloce, ultra vénère, quoi. Puis on a eu une petite cover de Morbid Angel un peu plus tôt, et là ils se sont offert une petite, enfin ils nous ont même offert une petite cover de Death, et c'est passé nickel. Bah du coup on va s'écouter un petit morceau de Skeletal avant d'évoquer le dernier groupe de la soirée. On va se passer un morceau de leur dernier album qui est sorti en fin 2020, donc ça commence déjà à dater, et on va s'écouter le morceau Repulsive Recollections. On en arrive donc à la clôture du samedi soir. On sort de la salle, il est 22h. Même pas avant. Oui, non, une heure plus tôt. 21h30. 21h15, 21h30. Et là, on nous annonce 1h15 sur le running order avant d'avoir donc destruction. Ouais, donc l'attente était partie pour être longue. Quand vers 22h20, on est venu nous prévenir que le concert allait commencer d'ici 10 minutes. Donc, 22h30. Réjouissance. Au lieu de 23h, c'est bien pour tout le monde. Et effectivement, 22h35, l'intro qui est lancée. Et puis derrière, ça a déroulé. Un groupe ultra pro, extrêmement content d'être là. Une salle généreusement remplie. Un public bouillant. Ouais, généreusement réceptif. Donc, ça a été une heure et quart avec beaucoup de vieux morceaux, des classiques, un trash teuton. Très bien exécuté, on sent le groupe qui avait quasiment pas fait de date depuis le début de l'année, juste une la veille. Et puis à domicile en plus, parce que c'était en Allemagne. Voilà. Et donc ça a enchaîné. Alors, on va dire petit point fait, peut-être le saut de guitare, le côté vraiment bon. Dispensable. C'est là que ça a un peu décroché pour certains, et puis c'est quand même revenu très fort en fin de set. Et après voilà, enfin énorme communication avec le public, effectivement. Le solo permettait pas mal d'interactions supplémentaires, donc on va dire ça. Le groupe qui sollicitait beaucoup le public qui lui bouffait littéralement dans la main. Schmir en très grande forme, hyper souriant. Dès la clôture du premier titre, qui remercie le festival en français, qui situe tout de suite qu'il est à Chauvigny et pas sur un énième événement, il sait pas trop où. Donc voilà, un groupe accueilli en tant qu'individu et qui a chaleureusement... rendu l'appareil au public et à l'orga tout au long de ces 1h15 de concert. Je suis pas resté jusqu'au bout parce que moi, au bout de 45-50 minutes, j'ai décroché. Mais gros plaisir. Ouais, comme moi, je suis toujours très frileux sur ces vieux groupes de thrash parce que j'ai tendance à m'ennuyer très très vite. C'est un style qui m'est avec lequel je suis pas forcément très à l'aise parce que je trouve que c'est vite répétitif. Et là, je me suis surpris sur la première demi-heure à passer un excellent moment. Avec des compos réussis, des hymnes. On en passera un bout tout à l'heure, mais il y avait vraiment des hymnes qui étaient scandés par le public, avec vraiment une grosse réception aussi côté public, où les gens ils étaient là pour les voir, ça se sentait. Et justement, milieu, commencer les solos et tout ça, moi ça a commencé il faisait chaud dans la salle en plus, donc j'ai dit je vais aller me prendre l'air 10 minutes. Je suis revenu juste sur le dernier morceau ou l'avant-dernier morceau. Et pour avoir le rappel, un bon gros 15 minutes, hein, 3 morceaux sur le rappel, c'était généreux aussi au niveau du rappel. Voilà, ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool. C'est pas pour ça que Destruction va rentrer pareil dans mes playlists absolument, mais peut-être un ou deux titres qui m'ont marqué, particulièrement celui qu'on a choisi d'écouter ce soir, qui pour moi a vraiment été un moment important dans le concert. Et voilà, globalement un festival qui est encore une réussite. J'espère que l'asso arrivera à se retourner sur ses pieds. Mais l'affluence avait l'air d'être au rendez-vous. Il n'y avait quand même pas beaucoup de monde qui zonnait sur le camping pour boire des coups au cul de la voiture. On avait quand même majoritairement des gens qui étaient dans le festival. Donc vraiment, j'espère pour eux que ça va réussir et qu'on pourra continuer à faire des événements comme Sodom. Ça. Voilà, avec pourquoi pas... Sodom et Midnight, hein, voilà. Si des gens vous nous entendez, hein, n'hésitez surtout pas à les programmer. Nous là pour le coup, je me forcerai, je ferai une barrière juste pour le fun, voilà. Festival avec un public assez âgé, hein, c'est très rigolo. Nous plus de 30 ans, de se retrouver parmi les plus jeunes du public, beaucoup de quinquagénaires, pas trop de viande soule, ça aussi c'est appréciable sur ce type d'événement de pas avoir des éponges dès 20h30. Un public plutôt agréable. Ça fait du bien de retrouver ce type d'événement en France, surtout depuis personnellement que je boude les super événements type Motocultor, Hellfest et consorts. Donc voilà, quadriller la France, il y a plein d'événements partout, il y a plein d'événements ultra quali. Et puis Chauvigny, c'est 1h10 de chez nous en voiture. Dites-le vous, pensez-y, rendez-vous en 2025, toujours sur le week-end de l'Ascension. Nous, je pense que le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. On va clôturer ce report de l'Anthem of Steel 2024 avec un Nail to the Cross de Destruction. Ils ont joué en troisième et effectivement, c'était l'instant ultra fédérateur de ce début de concert des Allemands. C'est parti. Voilà, un des tubes de Destruction dont on a été régalé hier soir au Anthem of Steel. On continue la div de l'émission de ce soir, voilà, après avoir clôturé ce report de cette sixième édition du Anthem plus que réussi. On est toujours dans l'aspect française, avec Mort et Subterranean. Mort, tout d'abord, ça nous vient de Rouen, une formation normande. On est sur du Raw Black, Atmo Black, alors du coup on est sur la scène rouennaise, donc on est sur du Black Metal rouge, avec des membres, ex-membres de Sordide. Et Ifernet, hein, très, très punk dans l'attitude. Un visuel absolument magnifique sur Mort, et l'ami Sylvain aura probablement un petit mot à dire sur le sujet, parce qu'il y a à dire. Bah, rapidement, en fait, c'est une femme qui a fait l'illustration, qu'on a déjà retrouvée ces dernières années, notamment sur l'excellent album de Feritarium Calvaire, qui était sorti en 2021, qui a fait aussi Karn l'année dernière, ou encore Lunar Tomb Fields. Donc on la retrouve de plus en plus régulièrement, également Vosegus qu'on avait diffusé l'année dernière. Elle a un style assez personnel, puisque c'est pas forcément tout le temps la même chose qui revient dans ses visuels, et ils sont souvent assez marquants. C'est le cas de ce premier album de Mort, qui d'ailleurs au passage est une sortie chez les Acteurs de l'Ombre. Donc voilà, certainement une artiste qu'on aura l'occasion de continuer à retrouver régulièrement sur les diffs que l'on vous proposera. En doublette avec Mort, Subterranean, ça nous vient de Nantes, on est sur du Black Nim Doom Sludge. C'est le second effort studio intitulé In the Aftermath of Blight. 4 morceaux seulement, des titres très longs, hein, entre 7 et 10 minutes chacun. In the Aftermath of Blight, donc une sortie Frozen Records. On s'écoutera le morceau 10-27 pour Subterranean, faut que je fasse des recherches avec un peu de chance, c'est un quantique. Et Sucked Vinyl Loss, le titre pour Mort, qu'on va s'écouter tout de suite, c'est parti. Yeah. Clôture de l'aspect française avec Take It In Blood et The Lumberjack Feedback. Take It In Blood, tout d'abord, groupe hardcore plus francilien. Hardcore plus parce que ça nous vient tout droit du New York des années 90, hein, très punk, hardcore, un peu oi et un peu hip-hop sur les bords. Roadmap of Pain, c'est le nom de ce second EP, une sortie Quality Control. On s'écoutera le titre Fade Away qui clôture l'EP et sur lequel on retrouve un bon gros bordel vocal. Hugo de Warsdopt, Benoît de Cold Decay, etc. etc. Histoire de venir pousser la chansonnette. Et en doublette, donc Dumberjack Feedback. Autre nouveauté dans l'émission de ce soir, groupe 2 du nord de la France. Qui nous fait du doom sludge. Alors c'est assez rare ce genre de groupe parce qu'en fait il est entièrement instrumental. Alors clairement ça va nous permettre de respirer avant la fin de l'émission qui sera très très brutale, notamment avec le groupe qui viendra juste après. La particularité de Lumberjack Feedback, c'est qu'il y a deux batteurs, donc c'est assez rare pour être souligné. Ça s'entend un petit peu, même si c'est pas forcément ce qui saute aux oreilles tout de suite. C'est plutôt bien fait. C'est un groupe qui a 15 ans d'existence, c'est leur troisième album, il s'appelle The Stronghold. Ça doit être un 5 morceaux, donc des titres qui sont un petit peu longs mais pas non plus trop de longueur. Et on va s'écouter le morceau, ça doit être le morceau d'ouverture qui doit s'appeler Kings and Servants. Et donc juste avant ça, ce sera Take It In Blood. Et c'est parti pour clôturer l'aspect française. And they killed her in a day. No. Sorry. No. I'm gonna punish them for what they did. What? Hurt them. Give me your permission to hurt them. Tell me how she did. Just tell me that you loved her. Just tell me that you loved her. I love her so much. Between anger and love, between caring and scorn, I never know what to wait. 22h05 à la pendule de Radio Béton, on aborde tranquillement l'approche de la fin de l'émission et l'occasion de retrouver Thibaut pour le second focus de l'émission de ce soir. Et c'est pas du black metal. Et non, c'est pas du black metal, mais c'est un style qu'on a quand même mis à l'honneur assez régulièrement, c'est du death metal qui nous vient de Turquie. Ungus, un groupe qui, donc, comme je viens de le dire, nous vient de Turquie et plus précisément d'Istanbul, une formation en 2010, ils nous proposent du death metal dans ce que cette scène sait faire de meilleur. Ils en sont à leur second album, ils ont sorti donc une première galette en 2017, Ungulfed in Obscurity, un son et une approche bien plus old school que ce qu'ils ont proposé sur cette sortie, un death metal massif, cradingue, mais de très bonne facture, c'est vraiment très plaisant à écouter. Cet album était accompagné d'un artwork que je vais mettre à l'honneur parce que je le trouve terriblement réussi. Il est de la main de Nick Keller. C'est quelqu'un qu'on a quand même vu sur pas mal de pochettes, notamment sur l'excellent album In Dying Light de Fallujah, où il avait pondu déjà un artwork très réussi, mais également sur l'album Misery de Dizentomb, ce visuel avec le crâne dessus, un excellent. Ce que j'allais dire, très Dizentomb, même certains albums de Immolation, ouais. dans le style. Complètement, et donc un très très beau travail sur ce premier album. Donc là, en 2024, ils viennent de sortir leur second album, Unearthly Litany of Despair, une sortie donc chez Dark Descent et accompagnée d'un second label, Misako and Unoro. Voilà, donc deux labels pour cette sortie. Un côté line-up, en fait, on est clairement en pleine consanguinité de la scène turque, hein, parce que ça gravite autour de toute la scène death et la scène brutale death turque. On retrouve notamment une partie du line-up dans des groupes comme Burial Evocation, Diabolizer, Decay Purity. On a voilà une partie du line-up et encore plein de projets. Oui. Hyperdoncia, même. Oui, voilà, il y a toute une sélection. Tu regardes le line-up avec les sessions et tout ça. Tous les groupes sont passés par là ou pas loin. J'étais d'ailleurs très étonné de ne pas trouver Cenotaph à travers tout ça. Mais je pense qu'en deux clics, tu y arrives. Donc voilà, c'est vraiment une scène qui se renifle derrière là-bas, mais qui se renifle derrière pour faire de la très très bonne qualité. Un artwork qui est réussi également, mais qui me parle beaucoup moins quand même que le précédent. Je le trouve un peu too much dans ce côté rouge et noir only, mais plein de détails, plein de choses à y voir quand même. On sent qu'il y a du travail dessus, mais voilà, me parle un petit peu. Ceux qui auront la ref, quand je regarde ça, j'ai une grosse référence au BD Les Chroniques de la Lune Noire, en termes d'esthétique et de composition. Yep. Que dire de plus ? C'est bien mieux, bien plus moderne, bien mieux enregistré à mon sens que l'album précédent, ce qui lui donne un son, une approche encore plus massive, encore plus étouffante, un travail qui est mis à l'honneur grâce à cet enregistrement, et ça rend le tout terriblement implacable, violent et écrasant. C'est presque épuisant à écouter tellement c'est violent. C'est pas spécialement original. Clairement pas, on n'est pas dans des nouveaux sentiers qui sont tracés, on est dans ce que sait faire cette scène de mieux, et elle le fait encore une fois très bien. C'est parfaitement exécuté, c'est très bien pensé, et l'ensemble de l'album ne tourne pas vraiment en rond. On n'est jamais dans des longueurs où on se dit oh, putain, c'est bon, j'ai compris. Non, là il y a vraiment toujours quelque chose à découvrir à chaque morceau. Un groupe qu'il faudra sans aucun doute voir en live. Parce que je pense que leurs compositions prendront un effet de rouleau compresseur. On a parlé de Skeletal, alors pas du tout dans le même style exactement, hein, mais on a parlé de Skeletal plutôt dans l'émission. Il y a cet effet-là, je pense qu'en live, ça peut prendre une dimension vraiment écrasante. Et le groupe, je pense, est un groupe qu'il faudra voir en live. À noter 10 minutes de moins que le précédent album. Ouais. Ce qui donne, je pense, du coup, une accroche beaucoup plus frontale et... Ouf, ok, c'est bon, c'est fini. Ah. Ouais, complètement. Du coup, c'est un peu plus condensé. Et je te dis, le précédent album était beaucoup plus old school. Donc, c'est pas que c'est pas le même groupe, mais quand même, l'approche est complètement différente. Avec un son old school, il y a quelque chose de beaucoup plus massif et éprouvant. Donc, ouais, 10 minutes de moins, c'était peut-être judicieux, justement, de pas rajouter un énième morceau pour te pulvériser les neurones. Restant. Complètement. Ungulfed, Unearthly Litany of Despair, une sortie de Dark Descent Records. On a fait le tour, on parle des morceaux choisis. In the Abyss of Death Obscurity. Ouais, morceau d'ouverture, une très très belle entrée en matière pour un album parfaitement réussi. Eh bien, c'est parti. 22h14 à la pendule de Radio Béton, c'est l'heure de s'envoyer la dernière doublette de l'émission de ce soir, et c'est une doublette de nouveautés. Exhumation et Kawir. Exhumation, tout d'abord, qui nous vient d'Indonésie. Bah ouais, puis des groupes indonésiens, on en diffuse à peu près jamais. Donc là, autant en profiter. C'est un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années, qui nous fait du, on va dire, putrid death. Hein. C'est un petit peu la version indonésienne d'un Necrorech. Donc ça situe plutôt bien. C'est surtout un duo accompagné de musiciens de session. Déjà un quatrième album, donc plutôt prolifique. Et c'est old school, c'est sale, c'est absolument parfait. Hein. Puis voilà, encore une fois, un groupe d'Indonésie, c'est toujours un régal de diffuser. Leur album s'appelle Masters Personae. On s'écoutera le morceau Pierce the Abyss Heart. Et ensuite, un groupe de vétérans qui nous vient de Grèce, Kawir. Alors là, ils sont à fond dans la mythologie grecque, puisque Kawir, en fait, ça désigne la déesse de l'équilibre. Donc dans le combat entre les forces du bien et du mal. C'est un groupe qui a 30 ans d'existence, donc c'est quasiment aussi vieux que les Rotting Christ, Necromantia, mais beaucoup moins connu. Pourtant, ils ont déjà une dizaine d'albums à leur compteur. Le dernier s'appelle Kidoimos. Alors là, c'est pour signifier, en fait, dans la mythologie grecque, c'est le dieu de la confusion, notamment dans les batailles. Et on va s'écouter le morceau Hecaton Keres. Alors musicalement, en fait, c'est un pagan black avec un batteur qui pilonne pas mal, donc vraiment une base très agressive et des influences pagan folk avec une petite intro qui m'a fait un petit peu penser à du summoning et puis ensuite des petites influences folk à la Falkenbar. Donc voilà, c'est plutôt sympa, puis c'est un groupe qui mériterait d'être au moins aussi connu qu'un Rotting Christ avec toutes ces années d'expérience. Donc ça s'appelle Kawir et avant ça, on s'écoutera Exhumation. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao. πίτα και παλεύει την τρόνα. Από τους όλους πάνω στα στιβαρά τους μένει. Απ' το σοφό το λες καθώς.